À l'auberge du fruit descendu, j'ai trouvé le paradis perdu. Il était caché sous les branches, je l'ai déniché ma dimanche, près de la Seine parmi les fleurs. C'est là le rendez-vous du bonheur, où est toujours l'amour est descendu, à l'auberge du fruit descendu.